Du hip hop, j'ai eu de nouveaux potes. Avec qui je tricote des morceaux qui sont ton bloc. Ça avec qui je tripote le mic et l'anti-pop. Avec le son je fricote, il me fait grimper la côte. Même si je n'ai pas la cote, je marche la tête haute. Je décolle, le cœur dur comme un rock. Man, ce n'est pas de ma faute. Si quand la zik me tapote sur l'épaule, c'est comme un électrochoc. J'ai deux heures passées à saigner Choukouane. Jamais lassé de poser pour être le number one. Inspiration inépuisable, même sans marijuana. J'ai le hip hop dans les veines, sans baguette ni bandana, pas élevé au Johnny, plutôt par la bandana. Enfin pour 1%, le reste est rap c'est franc. Celui qui traite le fond se contente pas de la bande annonce. J'ai un sérieux penchant pour les chants qui dénoncent. Fier de créer le plus marginal des 11. Dans ta quête, du Graal, tu mangeras des ronces. Les préjugés, les clichés, faudra que tu les défonces. Fiché et tricard, des kilomètres à la ronde. Jugé comme barbare, sur nous les critiques abondent. Rarement en gros star, on n'a pas la classe à bombe. Pas traité comme musique, pourtant certains vendent. Dénigrer des journalistes, mais qui sert un vent. Par l'amour du hip-hop, j'ai eu de nouveaux potes. Avec qui je tricote des morceaux qui sortent ton bloc. Ça avec qui je tripote le mic et l'anti-pop. Avec le son je tricote, il me fait grimper la côte. Même si je n'ai pas la cote, je marche la tête haute. Je décolle, le cœur dur comme un rock. Man, ce n'est pas de ma faute. Si quand la zik me tapote sur l'épaule, c'est comme un électrochoc. Rap dans le sang, tu le sais, même si pas dansant, je le sais. Mon balance à 100%. Puis tu sais, si je kiffe, c'est pas pour ça. Et puis pour ceux qui n'aiment pas ou accrochent pas sur les morceaux, c'est pas grave, pour moi pas de grève. Dans ce domaine, je domine. Que ça soit en écoute ou en pratique, t'es le scout, j'ai mes techniques. La chipée a chopé, m'a chopé, pas prêt de m'échapper. Depuis l'époque où je chipais, trop d'MC au pur texte. Parlons texto, pas de chichi, ou ça je texte. Gros, je rappe parce que des choses à dire, des choses à fuir. Pour ma dose, mon pote, j'espère que tu. Dans ma vie, faut mon rap. Envers lui, toujours fidèle. Parfois l'over à la faudelle. Si c'était une femme, alors je serais fou d'elle. C'est ma flamme et je pense éternelle. On pratique un kiff que tellement peu comprennent. Sans parler de la répute que depuis longtemps on traîne. Ils pichent pas notre vraie lutte, c'est ce qui nous imprègne. Motivé par la lutte, on s'en tape de vos primes. J'ai traversé la France pour l'amour du hip-hop. En wagon, en train, à vélo, même en stop. Pour quelques minutes, quelques heures, y'a que ça qui me donne. Et je sais pas par quel hasard des connaissances deviennent bonnes. Maintenant je n'ai que des frères, liens solides qu'on peut défaire. Lui insolite pour parfaire des techniques de flow d'enfer. Tant de samedi soir sacrifié pour que tu m'écoutes sur 10. T'entends ma voix amplifiée sur thème grave et souvent triste. Ne me colle pas d'étiquette à part celle d'artiste. Changerai pas de facette pour faire partie de ta playlist. C'est vrai qu'en prenant le hip hop, je ne suis pas à la mode. J'en suis encore plus fier car pas pour autant à la mode. Par l'amour du hip hop, j'ai eu de nouveaux potes. Avec qui je tricote des morceaux qui sortent ton bloc. Ça avec qui je tripote le mic et l'anti-pop. Avec le son je fricote, il me fait grimper la côte. Même si je n'ai pas la cote, je marche la tête haute. Je décolle, le cœur dur comme un rock. Man, ce n'est pas de ma faute. Si quand la zik me tape sur l'épaule, c'est comme un électrochoc. Toujours présent, toujours plaisant. Et moi je tente et représente. Concert vu ou vécu sur scène. Et dans mes rêves, y'a du bon son à la duo. Et cool chaîne, cool frère. C'est la mentalité hip-hop que t'oublies. Mais je m'en balance, moi je le vis et lance. Mes textes à l'ancienne, des scènes au larcène. Des rimes, je sème car j'aime toute cette culture si riche. Mais prônée par les pauvres, tout un art de rue dont beaucoup veulent la peau. Elle fait des ordres, car incomprise. Mais par moi tellement prisée, mon cœur se brise. Quand elle s'éloigne de mon amour, pourrais je témoigne. Rap à la vie, à la mort, ce texte, une vraie déclaration d'amour. Je casse mon armure et l'avoue, sans lui, je serais peut-être pas là. Je resterai le même, c'est ma flamme et je pense éternelle. Par l'amour du hip-hop, j'ai eu de nouveaux potes. Avec qui je tricote des morceaux qui sortent ton bloc. Ça avec qui je tripote le mic et l'anti-pop. Avec le son je tricote, il me fait grimper la côte. Même si je n'ai pas la cote, je marche la tête haute. Je décolle, le cœur dur comme un rock. Man, ce n'est pas ma faute, si quand la zik me tape sur l'épaule, c'est comme un électrochoc. C'est comme un électrochoc. N-A-R-C-O-Z L-E-R-A-C Fayaz MC SRK Prod. Par amour du hip-hop. Pour l'amour du hip-hop. 2010. C'est ça qui nous unit. Toujours présent. Hip-hop spirit, depuis le temps, comme un battement de cœur, comme un battement de cœur.